La cérémonie inaugurale du concours national de l'agitation radiodiffusée des speakers des minibus sonorisés et de celui des troupes de propagande artistique a eu lieu le 1er septembre au chantier de construction de l'avenue de Myon à Pyongyang. À la suite de la cérémonie, il y a eu le concours du premier jour. Y participent plus de 50 speakers et 13 troupes de propagande artistique sélectionnées des concours de niveau de ministères et d'établissements centraux et de provinces.